France Inter, franceinter.com. C'est l'une des pires dictatures dans un monde qui pourtant n'en manque pas. Je veux parler du Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie du Sud, où l'ancien libérateur Robert Mugabe impose à son peuple un régime impitoyable. Mais ce chef d'État, mis peu à peu au banc des nations occidentales, n'en reste pas moins un leader estimé par beaucoup de pays africains. Et d'abord, parce qu'il incarne la lutte contre l'ex-colonisateur et l'accaparement des terres par les Blancs. Toute proportion gardée, c'est un nouveau Idi Amin Dada, l'un de ces personnages qui, à cause de ses excès, justifie à bon compte l'ostracisme occidental, et même, osons le dire, le racisme des Blancs. Et sans vouloir défendre Mugabe, qui ne le mérite pas, il faut bien reconnaître la responsabilité des grandes puissances, à commencer par la Grande-Bretagne, qui, par leur intransigeance, ont poussé progressivement le Zimbabwe à se rapprocher du camp de l'Est, et particulièrement de la Chine, qui dans ce pays, comme en Birmanie ou au Soudan, se moque de la question des droits de l'homme et multiplie là-bas ses activités commerciales. Mais avant d'écouter M. X, un petit retour en arrière. Au cours de la deuxième moitié des années 70, le pouvoir blanc rhodésien de Ian Smith doit faire face à une rébellion armée noire qui ne cesse de monter en puissance et s'étend à tout le pays. Malgré l'utilisation criminelle d'armes interdites et sous la pression de l'ONU et de la Grande-Bretagne, Ian Smith recule. Fin 1979, Margaret Thatcher obtient la tenue d'une conférence constitutionnelle à Lancaster House, réunissant tous les belligérants et qui débouche sur une série d'accords qui consacrent l'indépendance du Zimbabwe, le nouveau nom de la Rhodésie du Sud, après des élections au suffrage universel. C'est donc enfin la paix. Mais ces accords contiennent en eux-mêmes les futurs germes de la discorde. L'économie reste dans les mains des Blancs. 6500 fermiers peuvent ainsi continuer à cultiver 46% des terres agricoles. Cette clause est garantie par un moratoire de 10 ans. La redistribution des terres ne pourra donc avoir lieu que sur la base du volontariat. Les propriétaires blancs ne partiront que s'ils le veulent bien. Et la Grande-Bretagne se déclare garante des dédommagements qui leur seront versés et dans ce but met 44 millions de livres à la disposition du nouveau pouvoir. Mais le système va peu à peu se gripper. Dans un instant donc, la suite du récit de M. X, où il sera aussi question de ce qu'un récent film a appelé « Les diamants de sang ». Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Z France Inter, rendez-vous avec X. Les nationalistes noirs, à commencer par le chef de leur principal parti, Robert Mugabe, ont approuvé les accords constitutionnels que du bout des lèvres. Pour quelle raison ? Mugabe, le marxiste, ne se satisfait pas du régime parlementaire qui lui a été peu ou prou imposé par la Grande-Bretagne et Margaret Thatcher, qui tenait par-dessus tout à ce que les Blancs continuent à vivre en paix au Zimbabwe. Alors, certes, le pouvoir politique appartient désormais aux Noirs, mais le pouvoir économique continue à leur échapper. Ouais, la question de la terre. Oui, une question qui ne va cesser d'empoisonner le destin du Zimbabwe. Jusqu'à aujourd'hui, hein. En effet. Mmh. Autre difficulté, celle de la rivalité entre l'ethnie majoritaire, les Shonas de Mugabe, et les Ndebele de Joseph Nkomo. Et les deux partis qui les représentent. Oui, oui, face au pouvoir blanc, ces deux factions se sont réunies au sein d'un front patriotique. Et dès que l'indépendance est acquise, ça se passe plutôt bien. Mugabe est Premier ministre et Nkomo est nommé ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, le nouveau pouvoir est favorablement accueilli par la communauté internationale, malgré la présence à la tête du gouvernement d'un marxiste pur et dur qui pouvait inquiéter. Mais à la grande surprise des observateurs, Mugabe se conduit comme un très bon élève de la classe africaine. Ouais. Tant qu'il ne touche pas aux Blancs, c'est bien ça. Hein? Ah, pas seulement. Mugabe a opté pour une politique économique mixte. À mi-chemin du marché du socialisme. C'est alors. Ça. Ouais. Et il semble avoir choisi une réelle politique de la réconciliation. Entre Noirs et Blancs. Oui. On lui est aussi en effet très reconnaissant de ne pas toucher aux intérêts de ces derniers qui dirigent les secteurs bancaires, industriels et bien sûr agricoles. À l'étranger, Mugabe est alors présenté comme un homme d'État responsable et surtout pragmatique. Ça permet à son pays de bénéficier de nombreuses aides au développement. Les pays occidentaux sont d'autant plus prompts à distribuer cette aide qu'ils ont autrefois concouru à soutenir le pouvoir blanc en Rhodésie du Sud. Malgré l'embargo. Alors ils ont beaucoup à se faire pardonner. Et puis, je vous l'ai dit, Mugabe inspire confiance. Il donne d'ailleurs des preuves concrètes de sa bonne gouvernance, comme on dit aujourd'hui, en finançant, grâce à ses aides, des programmes de développement en matière de santé et d'éducation. Ben, ça ne va pas tarder à se gratter. Car que se passe-t-il ? En février 1982, Mugabe limoge son ministre de l'Intérieur. Comment ? Et celui-ci est bientôt accusé de complot. C'est le début d'une terrible répression qui va frapper l'ethnie Ndebele. Quel prétexte alors ? Komo et les siens sont accusés d'avoir déclenché une insurrection armée en liaison avec l'étranger. Mais c'est vrai ? Non. En tout cas, les victimes vont se compter par milliers. Et cette répression féroce, des femmes enceintes sont par exemple éventrées, dure jusqu'en 1987. L'armée rhodésienne est alors aidée par des supplétifs nord-coréens qui avaient déjà entraîné les guérilleros avant l'indépendance. Cependant, très curieusement, ces exactions ne provoquent pratiquement aucune réaction à l'étranger. Il faut m'expliquer ça, alors. Il y a chez les Occidentaux ce sentiment de culpabilité dont nous parlions il y a un instant, mais essentiellement, c'est la peur de pousser le Zimbabwe encore un peu plus dans le camp de l'Est qui l'emporte. Par conséquent, on ferme les yeux. Exactement. Un fonctionnaire anglais qui était haut commissaire au Zimbabwe a fini par l'avouer. Londres lui a demandé de ne pas relever les méfaits commis contre les Ndebeles. Mais alors, on peut tuer en silence, quoi. Parfaitement. Et à bout de souffle, les partisans de Nkomo finissent par plier. Ils acceptent que leur parti se fonde dans le parti majoritaire. Celui de Mugabe. C'est donc maintenant le régime du parti unique. En même temps, Mugabe en profite pour procéder à une modification de la constitution. Le régime devient présidentiel. Mugabe dispose dorénavant de tous les pouvoirs. Effectivement. Ouais. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Malgré la répression contre les partisans de son rival, Nkomo, le leader du Zimbabwe progresse sur la voie des avancées sociales, au moins pendant 5 ans. La politique de redistribution des terres permet à plusieurs dizaines de milliers de familles de s'installer sur des fermes autrefois cultivées par des Blancs. Sans expropriation ni expulsion? Non. Les propriétaires sont indemnisés et payés en devises à la fois par la Grande-Bretagne et le gouvernement. Le pouvoir développe aussi les infrastructures dans les zones rurales, tant et si bien que les productions agricoles, maïs, tabac, coton, connaissent un grand essor. Mais à partir du milieu des années 80, ce rythme s'essouffle, essentiellement à cause des difficultés budgétaires de l'État zimbabwéen. Car ces acquisitions de terres coûtent très cher. Et le plan quinquennal qui prévoyait la réinstallation de 15 000 familles par an ne peut pas être respecté. C'est une grosse déception là, pour tous ces Noirs pauvres qui attendent de se voir attribuer une terre. Naturellement. À la fin des années 80, seuls 3 millions d'hectares ont été redistribués sur les 11 millions cultivés par les Blancs. Ce relatif échec, hein, il faut bien le dire, a-t-il des répercussions politiques? Oui. Une opposition voit le jour en 1988, issue d'abord des milieux étudiants. Ce mouvement est présidé par un certain Morgan Tsvangirai, qui va peu à peu devenir l'opposant numéro un au pouvoir de Mugabe. Ouais, ça lui coûtera assez cher. Il sera même sérieusement molesté il n'y a pas si longtemps. Enfin, n'allons pas trop vite. Forcément. Et quelles sont les revendications de ces contestataires? Il dénonce d'abord la corruption qui règne chez les plus proches du pouvoir. Et c'est vrai ça? Malheureusement, oui. Et Margaret Thatcher, qui, il est vrai, déteste Mugabe, l'accusera de détourner la contribution financière du Royaume-Uni pour l'achat de terres au profit de ses proches. Ce qui, entre parenthèses, permettra à la Dame de Fer de mettre fin à ses versements au Zimbabwe. Oui, ça l'arrange bien. Bien entendu. Par ailleurs, ces étudiants contestataires mettent en cause le système du Parti unique. Ils veulent plus de démocratie, mais menacent-ils réellement le régime et le pouvoir de Mugabe? En tout cas, ce dernier, lors des élections législatives de 1990, éprouve le besoin pressant de verrouiller le vote. Trucage, violence permettent au Parti unique de l'emporter. Mais Mugabe est obligé de lâcher du lest et d'en finir avec le régime de pouvoir unique. L'opposition est donc reconnue? Du moins est-elle en principe tolérée. Toutefois, le mouvement de Tsvangirai, divisé et infiltré par la police politique, a déjà pratiquement cessé d'exister et ne renaîtra que bien des années plus tard. Tout cela signifie donc que le dirigeant éclairé du début de l'indépendance est devenu un despote. C'est évident. Toutefois, en même temps, Mugabe opère un retournement considérable. Marxiste et partisan d'une économie socialiste, il devient soudain libéral. Ah oui, mais c'est peut-être à cause de l'effondrement du mur de Berlin. Hein. C'est donc un retournement très opportuniste, mais il faut dire aussi que la situation économique du Zimbabwe devient excessivement précaire. Les progrès accomplis pendant les premières années de l'indépendance sont gommés, les uns après les autres. Mugabe, contraint et forcé, se tourne donc vers les grandes institutions internationales, dont le FMI. Le Fonds monétaire international. Hein. Qui lui demande d'opérer ce qu'on appelle dans le jargon technocratique de cette institution une politique de réajustement structurel. C'est très bien ça. Ouais. Une politique qui s'est souvent traduite par des désastres dans nombre de pays du tiers-monde. Mais concrètement? Ce sont les cultures d'exportation qui sont favorisées, c'est-à-dire des produits comme le coton et le tabac qui sont cultivés par les grands propriétaires blancs ou par des fermiers noirs à qui l'on a déjà distribué des terres. Au détriment des pauvres. Oui, hein. Tous ces ouvriers agricoles qui sont employés dans les fermes blanches. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales qui avaient sous-tendu la politique des premières années de l'indépendance n'est donc plus à l'ordre du jour. Et Mugabe s'est renié? Assurément. We'll be right back. qui est vraiment Robert Mugabe, que l'on appelle familièrement Bobona. Un enfant doué, éduqué par les jésuites, toujours plongé dans les livres et d'une gravité inhabituelle. En 2002, Jean-Pierre Langelier, journaliste du Monde, brosse son portrait. Je vous en propose quelques extraits. Robert Mugabe n'a jamais digéré le processus de Lancaster House ayant conduit le Zimbabwe à l'indépendance et dont il savait qu'il accoucherait d'un compromis avec la minorité blanche. Il s'y résigna, la rage au cœur, sous l'insistante pression de ses parrains africains qui, dira-t-il plus tard, l'ont privé de la joie suprême d'une victoire militaire sur le pouvoir blanc. Et le journaliste poursuit. La lune de miel entre Robert Mugabe et les Zimbabwéens blancs ne dure qu'un an et demi. Pour un communiste, il a l'air bien, entend-on à l'heure du thé dans les jolis jardins des quartiers résidentiels. Les ex-rhodésiens, Ian Smith en tête, célèbrent la sagesse et la modération de ce premier ministre à la voix douce. Les blancs se rassurent. Mais Robert Mugabe est aussi un adepte du double langage et du double jeu. Il n'oublie ni ne pardonne rien à cet homme blanc qu'on l'obligeait enfant à vénérer comme une sorte de dieu. Enfin, sur la violence de son régime, Langelier écrit « L'énervie de son régime recourt à l'intimidation, à l'enlèvement ou au meurtre pur et simple. Ses pratiques criminelles prolongent les outrages faits à la loi et aux institutions, fraudes électorales, fausses accusations, arrestations arbitraires, manipulations en tout genre. » En 1990, se sentant en danger, Robert Mugabe augmente d'un quart le nombre de députés, les nouveaux venus étant nommés par lui. Les bases œuvres sont officiellement confiées pour les rendre légitimes à des vétérans de la guerre d'indépendance. Elles sont le plus souvent le fait d'activistes du parti, de chômeurs rétribués à la journée ou de simples voyous recrutés dans les halls à bière des townships, les banlieues des grandes villes. Peu de temps après sa spectaculaire conversion au libéralisme économique, Mugabe modifie fondamentalement la loi qui régit les acquisitions de terres. Désormais, c'est le Parlement qui achète et fixe les prix. Et bientôt, son gouvernement décide d'indemniser seulement les équipements et les bâtiments. Et pas les terres. C'est le commencement de la mise en place d'une politique qui vise purement et simplement à chasser les grands propriétaires blancs et à accaparer leurs immenses domaines. Une politique, pas démagogique. Bien évidemment. Elle vise à satisfaire les Noirs, quitte à exacerber les tensions raciales. Et accessoirement, cela permet à Mugabe d'être triomphalement réélu président en 1996. Alors, c'est une élection loyale, celle-là ? Bien sûr que non. Une nouvelle fois, de nombreuses fraudes sont observées. Mugabe n'en a cure. Il est soutenu par les nouvelles classes dirigeantes du pays qui, grâce à lui, s'enrichissent et s'emparent des meilleures propriétés. En 1997, le gouvernement du Zimbabwe durcit encore le système. Les terres abandonnées ou sous-utilisées, celles appartenant à des propriétaires absents ou possédant plusieurs fermes, sont confisquées. On assiste alors à une sorte de fuite en avant. Il s'agit bien, si je vous ai compris, là, de parvenir à l'élimination des Blancs, non ? Très certainement. Ouais. Tous ces Blancs qui, grâce aux accords d'indépendance, ont choisi de continuer à vivre et travailler au Zimbabwe. Ce qu'au fond, Mugabe n'a jamais accepté. Je le pense. Si Ian Smith était raciste, Mugabe ne l'est pas moins. Et puis, ils se sont menacés par une opposition requinquée sous la houlette de Morgan Tsvangirai, qui a donc créé le MDC, le Mouvement pour le Changement Démocratique. Et il est prêt à tout pour rester au pouvoir. À commencer donc par cette première expropriation autoritaire. Et Mugabe franchit un pas supplémentaire en exigeant de la Grande-Bretagne qu'elle indemnise elle-même ses propriétaires terriens expulsés. Et pourquoi alors ? Le dirigeant zimbabwéen met en avant le passé colonial de son pays. Ses terres, confisquées aux Noirs, ont autrefois été données aux colons par le pouvoir blanc. Alors c'est à celui-ci ou à ses héritiers de réparer. Écoutez, ce qui au moins théoriquement n'est pas trop déraisonnable. Hein. Et puis il y a le non-respect par Londres des accords de Lancaster House. À l'initiative de la Dame de Fer. Et naturellement, le gouvernement britannique oppose une fin de non-recevoir à la demande du président zimbabwéen. Et les relations entre les deux pays vont rapidement s'envenimer. Mugabe ira même jusqu'à vitupérer les gays qui, prétend-il, gouvernent à Londres. Ah oui, les gays. Alors l'Occident commence à déchanter. Sérieusement, oui. Même les États qui soutenaient jusque-là le Zimbabwe s'éloignent. Parallèlement, sur le plan intérieur, la situation de Mugabe se dégrade. Oui, son pouvoir est affaibli. Notablement. Et c'est dû à sa mégalomanie grandissante. Au début de l'année 2000, parce qu'il estime ne pas avoir assez de pouvoir, Mugabe en demande encore plus et invite les électeurs à ratifier cette exigence par référendum. Un référendum qui prévoit aussi de donner des possibilités nouvelles au pouvoir dans le domaine des expropriations. Mais là, grosse surprise, le référendum est un échec. Ah, c'est une grave rebuffade là, pour le président Zimbabwe. Hein. Mais Mugabe n'est pas de Gaulle. Et il reste au pouvoir malgré cette humiliation. D'ailleurs, il peut déjà faire tout ce qu'il veut. Le Parlement est aux ordres. Le Parlement, et c'est une curiosité, qui compte en son sein un fort contingent de députés désignés par Mugabe lui-même. Mais c'est plus simple. Bah, plus efficace. En tout cas, la fuite en avant se poursuit. À l'approche des élections législatives de juin 2000, la violence se déchaîne dans un pays ruiné où les inégalités n'ont jamais atteint un tel niveau, où les services publics vont à volo et où l'inflation est galopante. Mais cette violence-là, quelle en est la cause réelle ? Il s'agit d'abord de terrifier les électeurs qui seraient tentés de mal voter. Les assassinats ou les enlèvements se multiplient et les meetings de l'opposition, quand ils ne sont pas interdits, sont systématiquement interrompus par des nervis. Et puis il y a surtout et toujours la question de la terre. Mugabe permet à ses partisans, ce qu'on appelle les vétérans... Les combattants hein, qui ont participé à la lutte de libération, c'est ça. Ouais. Donc Mugabe leur permet d'aller s'emparer par la force des fermes des Blancs. Plus d'un millier de propriétés changent ainsi de main. Et les plus belles sont bien sûr accaparées par les proches du régime. Là aussi, ça ne va pas sans violence. Plusieurs fermiers sont tués et des dizaines de familles blanches fuient le pays en toute hâte. Cette violence est donc plus ou moins approuvée par le pouvoir. Hein. Certainement. D'ailleurs, ouais. Pour Mugabe, le démagogue, c'est une troisième guerre de libération qui commence avec ces expropriations commises par les vétérans. Alors, certes, le parti de Mugabe emporte les élections de justesse, mais la situation sociale et économique du pays est loin de s'améliorer. D'autant que le FMI et la Banque mondiale cessent d'un seul coup de prodiguer leurs aides au Zimbabwe. À cause des excès de Mugabe ? En effet. Les violences de vétérans chassant les Blancs ont pesé lourd dans la décision du FMI et de la Banque mondiale. Et en même temps, ces bailleurs de fonds portent une lourde responsabilité dans l'aggravation de la situation. Pourquoi ? Parce que jusque-là, ces institutions internationales ont été aveugles, responsables d'avoir imposé au Zimbabwe ce programme d'ajustement structurel. Et donc l'entrée du pays dans l'économie de marché. Ils n'ont pas manqué d'observer que le pays s'enfonçait de plus en plus dans une grave crise économique. Et pourtant, elles ont continué, malgré tout, à aider financièrement le Zimbabwe. Alors même que Mugabe ne cessait de naufrager son pays. Ce lâchage des institutions internationales, en tout cas, ne va pas améliorer la situation. Hein. Bah forcément, d'autant qu'à son tour, sous la pression de la Grande-Bretagne, l'Union européenne prend des sanctions contre le régime zimbabwéen. Mugabe et deux dizaines de ses proches voient leurs avoirs à l'étranger gelés. Et ils sont même interdits de voyage sur le vieux continent. Toutefois, il n'y a pas unanimité chez les États européens. La France se singularise. C'est-à-dire ? Eh bien, à Paris, on ne se satisfait pas de sanctions qui ont été prises à l'initiative des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et c'est toujours le syndrome de Fashoda ? Et la tentation de supplanter le Royaume-Uni dans ses zones d'influence, oui. En outre, il y a aussi la peur de contrarier les chefs d'État africains que nous protégeons. Si des sanctions sont prises contre Mugabe, pourquoi ne pas agir de même avec un Bongo au Gabon ou un Nguesso au Congo ? Donc, Paris redouble de prudence et en 2001 se permet de recevoir officiellement Mugabe à l'Élysée. Ah, c'est une sorte de pied de nez adressé à la communauté internationale. Et Jacques Chirac récidivera en invitant Mugabe lors du sommet franco-africain de 2003. Naturellement, Londres poussera les hauts cris. Une réaction parfaitement hypocrite, car Paris avait depuis longtemps averti le gouvernement britannique. Quoi qu'il en soit, à terme, la position française n'est pas tenable, tant la situation du Zimbabwe devient chaotique. Après avoir décidé un embargo sur les armes, la communauté internationale compte maintenant sur l'Afrique du Sud pour ramener Mugabe à la raison. Et c'était déjà en Afrique du Sud, hein, mais l'Afrique du Sud de l'apartheid, qu'on avait demandé de s'entremettre auprès de Ian Smith pour le conduire à la table des négociations avec les nationalistes noirs. C'est exact. Mais Pretoria avait échoué. Et le président Thabo Mbeki n'est guère plus heureux avec Mugabe qui ne veut rien savoir. D'autant que l'implication du Zimbabwe dans les guerres du Congo RDC n'arrange rien. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le Zimbabwe est au bord de la guerre civile. Tel est le constat de la revue Alternatives Internationales dans un numéro de mars-avril 2002. Et le rédacteur ajoute, je cite, « Depuis 2 ans déjà, le Zimbabwe, l'ancienne colonie britannique de Rhodésie du Sud, indépendante depuis 1980, fait régulièrement la une de l'actualité africaine. Une vague de violence répétée contre les opposants et l'invasion manu militari des fermes détenues par les Blancs, allant jusqu'au meurtre d'une dizaine d'entre eux, a ruiné sa réputation de pays tranquille. Mais le pire est sans doute à venir, tant l'élection présidentielle qui doit opposer les 9 et 10 mars le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 21 ans, à l'ancien syndicaliste Morgan Tsvangirai, leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, se présente sous les pires auspices. La violence est devenue une sorte de standard électoral au Zimbabwe, où plus d'une centaine d'assassinats politiques ont été perpétrés par le pouvoir ces 2 dernières années. Alors, vous avez parlé d'implication zimbabwéenne au Congo. Ben, si vous voulez, j'évoquerai cette grave question un petit peu plus tard avec votre accord, bien sûr. Comment c'est toujours vous qui décidez, hein. C'est vous qui le dites. Tandis que la crise économique ne cesse de s'aggraver en cette fin de l'année 2001, le pouvoir prend des mesures drastiques et rétablit le contrôle des prix sur les produits de première nécessité. À cause de l'inflation. Et de la difficulté croissante des plus pauvres à se nourrir. Car dans ce pays qui vivait de la vente de ses produits agricoles, on a désormais faim. Et d'exportateur de biens alimentaires, le Zimbabwe est devenu importateur. Et ça s'explique comment alors ? La gabegie, la fuite de nombreux travailleurs agricoles terrorisés par la violence latente et l'échec de la réforme agraire. Alors, ne retenons que ce dernier point, des terres. Beaucoup de terres ont été effectivement redistribuées. Mais les fermes les plus rentables ont été raflées par les riches zimbabwéens proches du pouvoir qui se soucient comme d'une guigne de l'exploitation agricole. Alors, on se demande pourquoi ils les ont achetées. Ah bah, une assurance sur l'avenir peut-être, car comme disait Pétain, la terre, elle, ne ment pas. En tout cas, la vérité, c'est que ces terres qui ont fait la richesse de la Rhodésie du Sud sont laissées à l'abandon. Et les ouvriers agricoles qui travaillaient sur ces exploitations sont eux aussi abandonnés. Faute de moyens et de matériel, ils se contentent de cultiver de petites parcelles qui leur permettent tout juste de subsister. Mais j'ai là quelques chiffres accablants. Je vous écoute. Attendez. Voilà. En 2005, le Zimbabwe, qui exportait 12 millions de céréales, est obligé d'importer plus d'1 million de tonnes pour sa propre consommation. Autre chiffre inquiétant. Depuis 2000, 300 000 travailleurs agricoles ont fui le pays. Enfin, un dernier chiffre, très récent, puisqu'il date de 2007. 3 millions de Zimbabwéens, sur une population de 16 millions, ne survivent que grâce à l'aide alimentaire internationale. Et tous les experts estiment que ce sera encore pire en 2008 et que plusieurs millions d'habitants devront émigrer. Un vrai désastre. Et qui oblige Mugabe à durcir encore son régime. La presse, l'opposition, la justice sont maintenant sous surveillance. Ils doivent filer droit. Ah, c'est particulièrement vrai pour les élections présidentielles de 2002. Les observateurs internationaux, qui ne vont d'ailleurs pas tarder à être expulsés, notent de nombreuses fraudes, ce qui permet à Mugabe d'être réélu. Mais je crois qu'il a déclaré il y a peu de temps qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection. En 2008, oui. Ouais. Mais ouais. On verra bien s'il est capable de renoncer au pouvoir. Bah, il a l'âge quand même, non ? C'est vrai qu'il a 84 ans, mais il veille jalousement sur sa santé. Et s'il vit dans une sorte de palais, il mène une vie extrêmement frugale. Alors, on verra bien. Et combien de temps encore le système policier qu'il a mis en place pourra-t-il résister à une opposition de plus en plus déterminée ? Malgré la répression. Oui. Ouais. Alors, parlez-moi plus précisément de ce système policier. Il faut d'ailleurs remarquer que ce quadrillage répressif existait déjà sous Ian Smith. Et Mugabe a d'abord à son service une agence de renseignement très performante, la CIO, l'acronyme en anglais de la Central Intelligence Organization. Mais ça ressemble à la CIA, ça. Mais, désolé de vous décevoir, la CIA n'est pour rien dans l'existence de ce service de renseignement. Ce sont au contraire les Allemands de l'Est qui ont présidé à sa création. Ouais. Au temps où les dirigeants zimbabwéens flirtaient avec le camp de l'Est. Hein. Exact. Ouais. Et vous n'ignorez pas qu'en matière de renseignement, le service de la RDA était particulièrement efficace. Ouais, la Stasi, oui. Ouais. Alors cette CIO quadrille le pays. Et d'autre part, Mugabe dispose maintenant d'un système d'écoute très perfectionné qui lui a été fourni par ses grands amis chinois, Mais sur le terrain, il y a également des hommes de main, ce qu'on appelle les Green Bombers. Pourquoi ce nom, hein ? Tout simplement parce qu'ils portent un uniforme vert. Au départ, Mugabe, après les premiers succès du MDC, l'opposition, hein. Oui, a voulu créer une organisation de la jeunesse, ou plutôt un service national de la jeunesse, sur la base du volontariat. Il s'agissait de contrer l'influence du MDC chez les jeunes citadins et les étudiants. Mais au fil du temps, c'est devenu une véritable milice chargée des basses œuvres du pouvoir. Quoi, les agressions contre les membres de l'opposition ? Par exemple, ces jeunes gens ont subi un véritable entraînement dans la trentaine de camps qui leur ont été dévolus. Entraînement à la torture, au sabotage et aux violences de toutes sortes. Les Green Bombers sont capables de tous les méfaits. Ils tuent, violent, incendient et torturent. Et dans leur camp, ils accueillent des jeunes filles, de prétendus volontaires, dont ils font rapidement leurs esclaves sexuels. On le sait car plusieurs d'entre elles, ayant réussi à s'enfuir, ont porté plainte. Et d'où viennent ces garçons alors ? Bon, généralement des milieux les plus pauvres. Des jeunes attirés par la perspective d'une solde régulière et par conséquent des êtres qui sont faciles à manipuler et endoctriner. Mmh. Au fond, ils forment quoi ? La garde prétorienne de Mugabe ? Oui, c'est un peu ça. Mais toutes ces exactions finissent par être connues en dehors du Zimbabwe et commencent à inquiéter les pays africains. Si dans un premier temps et même très tardivement, Robert Mugabe a utilisé habilement la rhétorique anticolonialiste pour séduire ses frères africains, il est même alors considéré comme un héros sur le continent. Mmh. Idi Amin Dada l'a été aussi pendant longtemps. Hein. C'est tout à fait juste, parce qu'il n'hésitait pas à provoquer et même à ridiculiser l'ancien colonisateur. Mais en raison de ses excès, l'image de Mugabe commence à pâlir, et la solidarité africaine va bientôt lui manquer. C'est flagrant en Afrique du Sud, où, en dépit du fait que le Zimbabwe est un important partenaire commercial et même le premier destinataire des investissements sud-africains, les dirigeants prennent leur distance avec le dictateur. Ouais, il devient de moins en moins fréquentable. Oui. Ouais. Pourtant, j'ai lu un article, il n'y a pas si longtemps, hein, sur l'organisation du prochain sommet Union européenne-Afrique. Les dirigeants de la Zambie menaçait de boycotter la rencontre si Mugabe en était exclu. Oui, j'ai vu aussi ce papier. Ça indique que malgré tout, Mugabe garde une certaine faveur chez les dirigeants africains, surtout ses voisins d'ailleurs. Mais deux événements ont largement entamé son crédit. Il y a d'abord eu très récemment le tabassage du chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai. Un tabassage très violent puisque l'on décèlera une fracture du crâne. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été ensuite emprisonné une semaine. Je me souviens, moi, de l'image du visage tuméfié de cet opposant. Une image qui a beaucoup fait pour discréditer Mugabe aux yeux de ses frères africains. D'autant que Mugabe n'a exprimé aucun regret, bien au contraire, puisqu'il a ensuite accusé le chef de l'opposition d'être vendu aux Occidentaux, des Blancs qu'il a envoyés au passage se faire pendre. Et le deuxième événement ? Il faut remonter quelques années en arrière. En 1998 exactement, au Congo, qui s'appelait encore peu de temps auparavant le Zaïre, Laurent Désiré Kabila, qui a conquis le pouvoir un an plus tôt, est en grande difficulté. Les alliés d'hier, Rwanda et Ouganda, sont en effet très gourmands et lorgnent sur les richesses du sous-sol congolais. D'énormes richesses. Oui, on trouve de tout au Congo. Hein. Du titane, du cuivre, de l'or et des diamants. Et cela attire de nombreuses convoitises. Et les trafiquants, souvent en cheville avec des mouvements rebelles ou des armées étrangères des pays voisins, affluent de toutes parts. Oui, mais Kabila a appelé lui-même au secours certaines de ses armées. Oui, oui, des contingents namibiens, angolais et même soudanais viennent au secours du nouveau maître de Kinshasa. Kabila invoque la solidarité africaine. Et c'est alors que Mugabe, de son propre chef, et sans même avoir consulté le Parlement, décide d'envoyer une force armée en République démocratique du Congo. Une troupe importante, comportant des blindés, et qui va rassembler un bon tiers des effectifs de l'armée du Zimbabwe. Ce qui est étonnant, c'est que le Zimbabwe n'est pas un voisin direct du Congo. Hein. Il en est effectivement séparé par la Zambie. Alors pourquoi cette intervention, cette histoire de solidarité africaine me semble cousue de fil blanc hein. Vous avez raison. Alors essayons de comprendre. Il y a incontestablement la volonté de Mugabe d'apparaître comme une puissance régionale incontournable. Surtout par rapport à Pretoria qui domine le sud du continent. Ah, des rêves de grandeur ? La mégalomanie, toujours. Mugabe, héros de la lutte contre le pouvoir blanc, a l'impression qu'on ne lui a pas rendu assez justice au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il aimerait bien en assurer le leadership. Mais il ne faut pas se leurrer. La principale motivation est financière et économique. Les richesses du Congo. Bien évidemment. Laurent Désiré Kabila, puis son fils Joseph, qui lui succédera en 2001. Après l'assassinat de son père. Hein. Oui. Donc les deux Kabila offrent au Zimbabwe des concessions extraordinaires en échange de son soutien militaire. Un soutien qui doit coûter très cher. Hein. En 2000, le ministre des Finances l'estime déjà à 200 millions de dollars. C'est considérable pour un pays qui est pratiquement en faillite. Et autant vous dire que parmi la population affamée du Zimbabwe, cette aventure militaire n'est guère appréciée. Oui, mais voilà, les autorités du Congo récompensent leurs amis zimbabwéens en or et en diamants. Des diamants qui sont extraits dans des conditions épouvantables et même criminelles. En tout cas, autant de cadeaux qui vont directement dans les poches des dirigeants. Alors que l'intervention militaire appauvrit chaque jour un peu plus le trésor du Zimbabwe. Oui, mais telle est la vérité. Et ça ira même plus loin, puisque Kabila offrira à certains hauts dirigeants du Zimbabwe des concessions aurifères et diamantifères. Autant de faits qui vont bien sûr braquer la population contre la dictature et qui rendent le pouvoir de Mugabe de plus en plus fragile. Et si j'en crois un article de la revue Afrique contemporaine de 2001, Kabila aurait même mis à disposition du Zimbabwe et de ses dirigeants une zone de 500 000 hectares de terres arables située au sud du Congo, libre à ceux-ci de les cultiver comme ils l'entendent. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission ou la podcaster. Et merci à Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, un peu d'air frais, CO2, mon amour, de Denis Chessou.